My temperature is super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I feel alive. My body needs a hero, come and save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low. Oh, I need you to come and rescue me. Bonjour, une nouvelle semaine commence, il est 6h, ravi d'être avec vous pour cette matinale. Bonne fête à Gérard, à Blanche et à Candide. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La radiothérapie est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Le centre installé à Couture reçoit aujourd'hui son premier patient. Ils prendront en charge entre 90 et 95% des cancers connus. L'économie pour la CAFAT est estimée la première année à 300 millions de francs. Malgré une chaleur écrasante, près de 400 personnes ont participé ce dimanche à Tontouta à la 6e édition de la rando VTT Cancer. Sous un soleil de plomb, 1300 concurrents, eux, ont pris le départ de la 22e édition de la Gigawatt Ayaté qui a été remportée par Ludovic Lanceleur et Mickaël Leclerc. L'aventure est terminée pour Titouan Puyot au Pacific Paddle Games en Beach Race. Le champion du monde 2014 s'arrête en demi-finale. Le chauffard impliqué dans l'accident de Mathilde court toujours. Cette infirmière qui a eu 24 ans samedi est actuellement en phase de réveil alors même que son pronostic vital est encore engagé. Vers une béatification du Père Hamel, le jour de la réouverture de l'église du prêtre assassiné, le Vatican a annoncé une accélération de la procédure. Et puis Arnaud Montebourg qui a annoncé son intention de participer à la primaire organisée par l'EPS. La Hongrie, de son côté, dit non au quota d'accueil de migrants, mais le référendum est invalidé, faute de votants. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May sort de son silence. La première ministre britannique a annoncé que le processus pour quitter l'Union européenne, qui dure 2 ans, serait enclenché avant la fin mars 2017. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Boot. Ainsi va l'histoire. L'Angleterre veut quitter l'Europe. Et puis, le 3 octobre 1990, l'Allemagne se réunifiait. Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Le mur tombé. On écrit sur les murs et tout ça. Oui! On parlera aussi en détail à 7h-10 de Gérard, de son caractère et puis de sa popularité ou pas dans les prénoms actuellement. Il est la dilemme.

Pour demain, c'est une journée agréable et ensoleillée dans l'ensemble, avec tout au plus quelques passages nuageux accompagnés de quelques gouttes par endroits sur l'est. Le vent reste faible, variant au gré des brises. Et enfin mercredi, le soleil reste bien présent avant l'arrivée en fin de journée d'une bande nuageuse. Le vent reste variable, faible là encore. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Mina Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. That taste of freedom. It don't take no education. Avicii avec Last Dance, alors qu'on parlait il y a quelques minutes à peine de Danse avec les Stars. Incroyable comment les hasards de la programmation font bien ça. C'est peut-être pas du hasard finalement. Va savoir. Énergie, il est 6h30. Démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Gérard Blanche et Candide, on vous souhaite une très bonne fête. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La radiothérapie est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Le centre installé à Couture reçoit aujourd'hui son premier patient. Alors qu'il projetait de recevoir 8 à 10 patients pour le premier mois, il y en aura 9 par semaine et 7 pour le mois de novembre. En cause, certains patients qui devaient partir en Invasa qui ont préféré attendre et être soignés en Calédonie. D'autre part, le centre recevra également les personnes qui ont besoin d'un traitement palliatif. Elles n'étaient pas traitées jusque-là pour des questions de coût. Le centre prendra en charge entre 90 et 95% des cancers connus, à savoir principalement ceux du sein, de la prostate, du poumon, de la thyroïde ou du côlon. Et l'équipe sera composée de 14 personnes et 3 bénévoles de la Ligue contre le cancer. L'économie pour la CAFAT est estimée la première année à 300 millions de francs. Le beau temps était de la partie de la Gigawatt. 1300 concurrents ont pris le départ de la 22e édition de la Gigawatt à Yatté, qui a été remportée ce dimanche matin par Ludovic Lanceleur et Mickaël Leclerc. Sous un soleil de plomb, le duo a parcouru les 30 km escarpés en 2h38 minutes et 31 secondes. En stand-up paddle, l'aventure est terminée pour Titouan Puyot au Pacific Paddle Games en Beach Race. Le champion du monde 2014, perturbé par une blessure à l'épaule durant sa préparation, est quand même parvenu à atteindre les demi-finales de cette épreuve, la plus relevée du monde. C'était en Californie. Place maintenant à la longue distance. Et puis plusieurs centaines de personnes ont assisté dimanche après-midi à la célébration de réouverture de l'église où le père Jacques Hamel a été assassiné le 26 juillet par deux djihadistes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au terme de cette messe dominicale inédite, sécurisée par un important dispositif policier, Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, annonçait que le pape François avait donné son accord pour raccourcir le délai d'ouverture d'une enquête officielle en vue de la béatification du père Hamel. C'est exceptionnel. Et puis Arnaud Montebourg, qui s'était déclaré candidat à la présidentielle depuis le 21 août dernier, a annoncé son intention de participer à la primaire organisée par le PS. Enfin, un demi-échec pour le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Son référendum anti-migrant dimanche en forme de défi à l'Union européenne n'a pas assez mobilisé d'électeurs. Mais comme escompté, le non aux relocalisations de réfugiés au sein de l'UE l'emporterait largement, 95%. La consultation est donc invalide car le taux requis de 50% de suffrages exprimés n'est pas atteint. La participation s'est plutôt élevée à 45%. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes tout ne pas pousser. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes tout ne pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas.

la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 m² de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Écoutez ça. L'infotrafic. Et oui, l'infotrafic. On a sur la route une situation assez étonnante au niveau du club hippique dans le sens Nouméa d'Imbéa, puisqu'il y a des poneys sur la route. Hein. C'est un petit peu après la sortie Koekara. Vous avez des poneys. Ils sont escortés par la police et ils sont au nombre d'une dizaine. Donc la circulation est déjà fortement ralentie. Mais pour une fois, c'est dans le sens de sortie de Nouméa. Merci de nous avoir appelé au 05 34 34. Bah sans plus tarder, l'horoscope hein. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. Non, il n'y a pas de signe cheval dans l'horoscope. Non. Bonjour à tous, bon début de semaine aujourd'hui, le lundi 3 octobre. Votre horoscope avec les béliers. Si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, vous ferez des efforts pour que ça change. Taureau, Vénus laissera la place aux sentiments. Rapprochement, l'envie de pousser plus loin une relation récente. Gémeaux, c'est lundi. Le renouveau semble être en marche. Les cancers, vous supporterez mal la routine et les obligations contraignantes, d'où certaines tensions inévitables à la maison. Lion, vous cédez à vos envies et faites des entorses à la règle. Vierge, vous êtes ouvert aux idées des autres et les échanges sont enrichissants. Balance, vous recevrez des reproches, ce qui vous affectera beaucoup en entraînant de la culpabilité. Scorpion, ne perdez pas de temps sur des sujets insignifiants, mais profitez de votre vie à deux. Sagittaire, vos amitiés sont fidèles et pleines de bonnes intentions à votre égard et vous le savez. Capricorne, votre charme est important et le feeling avec les inconnus est immédiat. Verseau, pour œuvrer à votre bonheur, vous prenez votre vie en main, vous contrôlez vos sentiments dans les moindres détails. Et les poissons, la peur de la solitude peut vous pousser à vivre des désillusions. Ne confondez pas amitié et amour. Excellent journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Bellevue. And I'm getting sad out of you. My fruitful baby. Stuck in this wheeling world. Watch the light. The chanting of music. Don't rock the phone. Stuck in this wheeling world. Watch the light. The chanting of music. Don't rock the phone. There's no need to get fussy when you're mixing the sounds like a cake. Just get it. Beneath your face. S'appelle The Double You à l'instant. Des petites nouvelles, tiens, de nos poneys. Eh bien, les poneys sont arrivés au lycée du Grand Nouméa, accompagnés par la police. Ça doit être complètement irréel comme scène. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé ce matin. Et du coup, la circulation redevient à peu près normale. Mais bon, ça a quand même perturbé pas mal dans le sens de sortie de la ville. Merci de vos appels au 05 34 34. Delphine, on passe à la suite de notre matinée. Le Morning Energy. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 280404. Alors, à la une de l'info de 7h. Eh bien, le centre de radiothérapie de Coutu accueille son premier patient aujourd'hui. Il y a même des gens qui ont attendu un petit peu pour justement y aller, au lieu d'être évasani. Très bien, Gérard, il est autoritaire, mais ne montera pas sur ses grands chevaux. Non, même pas sur les poneys qui sont sur la route. Gérard nous vient du germanique Gerhard, qui veut dire lance et fort. Gérard est donc un homme viril, qui dégage une impression de force, d'autorité et n'est pas dépourvu d'un certain magnétisme. C'est-tu plutôt stable comme prénom. Avec sa meilleure année, c'était quand même 1949. Il y a eu cette année-là 20 006 naissances de Gérard. Et l'âge moyen est donc de 69 ans. Il occupe le rang numéro 974 dans le top des prénoms de garçons en France. À suivre, le meilleur de la ZIC sur Énergie. Il y aura Nemo Schiffman ou encore John Mayer. Énergie Nouméa 93.5. Vous avez un voyant allumé sur votre voiture, un problème de filtre à particules ou de vanne EGR. Vous souhaitez consommer moins ? Electrocar s'occupe de votre véhicule. 80 83 83 ou sur Facebook Electrocar NC. Electrocar, la clinique de l'électronique automobile.

avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Énergie, il est 7h, on devrait avoir une belle journée. Les nuages qui étaient là ce matin vont avoir tendance à s'en aller. Bonne fête à Gérard Blanche et à Candide. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Le centre de radiothérapie accueille son premier patient aujourd'hui à Kutchou et puis le père Hamel va être béatifié. Le processus va être raccourci. Enfin, le Royaume-Uni va enclencher le processus de sortie de l'Union Européenne en mars 2017. 277e jour de l'année en ce 3 octobre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La radiothérapie est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Le centre installé à Kutchou reçoit aujourd'hui son premier patient alors qu'il projetait de recevoir 8 à 10 patients pour le premier mois. Il y en aura 9 par semaine pour le mois d'octobre et 7 pour le mois de novembre. En cause, certains patients qui devaient partir en Evassan ont préféré attendre à être soignés en Calédonie. D'autre part, le centre recevra les personnes qui ont besoin d'un traitement palliatif. Le centre prendra en charge entre 90 et 95% des cancers connus, à savoir principalement ceux du sein, de la prostate, du poumon, de la thyroïde ou du côlon. L'équipe sera composée de 14 personnes et 3 bénévoles de la Ligue contre le cancer. L'économie pour la CAFAT est estimée la première année à 300 millions de francs. Justement, la VTT Cancer s'est tenue ce week-end. Et malgré une chaleur écrasante, près de 400 personnes ont participé ce dimanche matin à Tontouta à la 6e édition de la Rando VTT Cancer, mise en place par l'Association calédonienne de soutien aux malades du cancer. Cette randonnée organisée sur la propriété du président de la Chambre d'agriculture, Gérard Pascoe, avait pour but de récolter de l'argent pour les malades du cancer. 3 circuits étaient proposés, 1 km pour les enfants, 12 pour les amateurs et 22 pour les plus confirmés. À l'arrivée, pas de classement, mais des lots à gagner et surtout une bonne action de fait par les vététistes. Le beau temps était aussi de la partie pour la Gigawatt. 1300 concurrents ont pris le départ de cette 22e édition à Yatté qui a été remportée par Ludovic Lanceleur et Mickaël Leclerc. Sous un soleil de plomb, le duo a parcouru les 30 km escarpés en 2h38 minutes et 31 secondes. Damien Bouteiller et Franck Santos ont pris la deuxième place en 2h45 minutes et 31 secondes. En stand de paddle, Pouillot s'arrête en demi-finale en Californie. L'aventure est terminée pour Titouan Pouillot au Pacific Paddle Games en Beach Race. Le champion du monde 2014, perturbé par une blessure à l'épaule durant sa préparation, est quand même parvenu à atteindre les demi-finales de cette épreuve la plus relevée au monde. Place maintenant à la longue distance. Expertise sur un centre éducatif fermé pour les mineurs en Nouvelle-Calédonie. Valentine Fournier, directrice de la PJJ, elle est venue à la rencontre de tous les acteurs de la délinquance juvénile sur le territoire pendant 10 jours. Elle doit rendre son rapport sur la faisabilité d'un centre éducatif fermé au pays. Alexis Bourros, procureur de la République, revient sur la délinquance des très jeunes. 50 à 60% selon les endroits, c'est-à-dire que plus de 1000 cambriolages sont commis par les mineurs. Quelle est la réponse? Si nous l'avions, le problème serait déjà résolu depuis un moment. On s'efforce d'endiguer le phénomène. C'est particulièrement compliqué avec les mineurs parce que la délinquance des mineurs prend plusieurs formes. Nous avons à peu près 600 mineurs mis en cause chaque année. Il n'est pas question, évidemment, d'incarcérer ces 600 personnes. Ça n'aurait pas de sens et ça ne ferait que produire de la récidive. Valentine Fournier, qui était donc la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Et là, vous entendiez Alexis Bourros, le procureur de la République. Et justement, retrouvez l'intégralité du reportage à 11h40 dans Énergie Mag. Le chauffard impliqué dans l'accident de Mathilde court toujours. Et Mathilde Fauchy, rappelez-vous, par un pick-up le vendredi 19 août à 4h devant le restaurant Le Palm Beach sur Lanzvata, a fêté samedi ses 24 ans. Cette infirmière est actuellement en phase de réveil, alors même que son pronostic vital est encore engagé. Vendredi, Mathilde d'ailleurs subi une nouvelle opération au poumon. Elle devrait être Eva Sané d'ici une dizaine de jours dans la région de Grenoble et transférée dans un centre d'éveil spécialisé. Depuis ce drame, le chauffard lui reste introuvable et la famille de Mathilde, qui ne compte à rien lâcher, se bat chaque jour pour connaître la vérité. Alors, on le répète, toute personne susceptible de donner le moindre élément pour faire avancer l'enquête peut contacter les enquêteurs de la police nationale en appelant le 17. Dans le reste de l'actualité, vers une béatification du père Hamel. Plusieurs centaines de personnes ont assisté dimanche après-midi à la célébration de réouverture de l'église où le père Jacques Hamel avait été assassiné le 26 juillet par deux djihadistes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au terme de cette messe dominicale inédite, sécurisée par un important dispositif policier, Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, annonçait que le pape François avait donné son accord pour raccourcir le délai d'ouverture d'une enquête officielle en vue de la béatification du père Hamel. C'est exceptionnel, a-t-il commenté. C'est un geste, rajoute-t-il, de consolation et d'engagement vis-à-vis des paroissiens qui en avaient fait la demande auprès du pape lors d'une audience le 14 août à Rome. Un mot de politique avec Armand Montebourg qui sera candidat à la primaire de gauche. Invité aux 20h de TF1, il s'est été déclaré candidat à la présidentielle depuis le 21 août dernier. Eh bien, Armand Montebourg a annoncé son intention de participer à la primaire organisée par le PS. Sont également candidats pour le moment Marie-Noël Lienemann, Gérard Filoche, Benoît Hamon, Jean-Luc Benamias et François de Rugy. Ces primaires auront lieu les 22 et 29 janvier 2017. En Hongrie, l'abstention fait échouer le référendum anti-migrant. Un demi-échec pour le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Son référendum anti-migrant dimanche en forme de défi à l'Union européenne n'a pas assez mobilisé d'électeurs selon les premiers chiffres. Mais comme escompté, le non aux relocalisations de réfugiés au sein de l'UE l'emporterait largement, 95%. La consultation est donc invalide car le taux requis de 50% des suffrages exprimés n'est pas atteint. Et oui, la participation s'est élevée à 45%. Au Royaume-Uni, Theresa May sort de son silence. La première ministre britannique s'est enfin exprimée sur le Brexit. Elle a promis un avenir radieux au sein d'un Royaume-Uni totalement indépendant et souverain et a fixé une date. Son gouvernement invoquera l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin mars 2017, ce qui devrait entraîner en principe une sortie de l'UE après deux ans de négociations avant les prochaines élections européennes du printemps 2019. Et puis avant de passer à l'info insolite, on va rappeler que ce matin, il y avait une dizaine de poneys en divagation sur la voie express dans le sens Nouméa en direction de la sortie. Et il y a une quinzaine de minutes maintenant, ils étaient arrivés au lycée du Grand Nouméa, escortés par la police. Tu crois qu'ils vont jusqu'à Tontouta comme ça ? Je sais pas. C'est une police montée, comme tu disais tout à l'heure. Ah là, c'est ça. Sur des poneys quand même. Sur des poneys. Bah, ça doit pas être évident de les arrêter, ceci. J'aimerais pas être à leur place. Et quand ils ont décidé de barrer les poneys, ils ont décidé. Et c'est pas une insolite. Non, c'est pas une insolite. Ouais. T'en as une ? Bah oui, j'en ai une. Je t'amène en Allemagne. Marco Kiotel est âgé de 25 ans et c'est un gardien de foot et bah, il a une histoire assez improbable à raconter. Le 11 septembre dernier, alors qu'il jouait un match et il a eu le malheur, tiens-toi bien, d'encaisser. Combien de buts ? Ah mais oui, des buts énormes, oui, c'était. Il y a une enquête là-dessus. À deux chiffres ? Oui, 45 buts ou quelque chose. 43 buts, ouais. Et tu sais qu'à la mi-temps, ils étaient à 35-0 quand même. Et bon, alors, c'est vrai qu'ils ont évolué à 8 contre 11. Mais l'affaire s'est pas arrêtée là. Non seulement, voilà, il a pris 43 buts, mais quelques jours plus tard, lors d'un entraînement, des policiers sont venus l'interpeller. Et oui, ils pensaient qu'il était impliqué dans une affaire de match truqué. Bon, finalement, il a été rapidement relâché. Non, c'est juste qu'il est mauvais. Ah oui. Il n'y a pas d'autres explications. Il n'y a pas d'autres explications. Change de carrière. Ouais. Et a priori, comme ils étaient effectivement plus qu'à 8, l'entraîneur de l'équipe adverse avait même réduit ses effectifs volontairement pour essayer d'équilibrer le match. Mais à non. Mi-temps. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas marché. Il est vraiment très mauvais. Ça s'appelle la passoire. Comme ça qu'on me surnommait un petit peu quand j'étais au foot. C'est vrai à l'école. Ah ouais. Tu te mettais sur le côté puis tu laissais passer le match. Ouais. On avait des buts amovibles parce qu'on jouait sur un terrain de foot ou de hand des fois. Et c'était des cages amovibles. Moi, je fermais les cages. Ah, comme ça, tu voulais. Ouais. À un moment donné, t'as arrêté quoi. T'as arrêté les compteurs. Et le mec, ils arrivaient quand même à marquer. Voilà, ceci étant dit, voici Robin Schulz sur Énergie. Il est 7h08, bon début de semaine. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Try so hard to get away. Watch every day, try so hard to live without, but no mas. Sunshine is shining far away, bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. raging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave, it's burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave. Right by my side, for gas in a Chevrolet. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet, won't stop till you're satisfied. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain, like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave, it's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave. I want to, I'll wash up at your door. I know at times we break the rule, temperatures rise when I'm with you. Démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Encore une info média avec Émeric Caron qui claque la porte de France 5. Le retour d'Émeric Caron sur les écrans aura donc été bref. Deux saisons après avoir quitté On n'est pas couché, l'ancien sniper de Laurent Ruquier, désormais depuis le 3 septembre, l'un des chroniqueurs de C'est l'hebdo, la nouvelle émission d'Anne-Elisabeth Lemoine, diffusée sur France 5 chaque samedi. Mais vous ne l'avez pas vu ce week-end, normal, il a claqué la porte après seulement 3 numéros. J'avais néanmoins longuement hésité à participer à l'émission et fini par accepter après qu'Anne-Elisabeth Lemoine et le rédacteur en chef de l'émission m'aient assuré que cette émission d'actualité serait un espace de liberté où on pourrait donner son point de vue sur tous les sujets. Mais visiblement, cela n'a pas été le cas, a-t-il précisé. Donc après un mois de mise à l'antenne, il a donc disparu, le gars. Bon, tant pis. On le retrouvera quelques temps plus tard où ? Bah, dans un prochain Infomédia sur NRJ. Énergie 7h13. Allô ? Qui est à l'appareil ? Le winner. Le winner, comment tu sais que t'es un winner d'abord ? Mais bien sûr, je suis au courant. Parce qu'on a essayé de te laisser 25 messages. Et Ricardo, il en a eu tellement marre qu'il s'est barré. Il a dit laisse tomber le Jonathan. Je pense que je vais y aller moi-même. Ou alors les filles, prenez le billet d'avion. Allez-y à Melbourne, bravo, tu as gagné. Eh ben, j'espère que tu vas pouvoir fêter ça. Ah oui, bien sûr, on va fêter ça. Bah super. Bah oui. Alors c'est valable 6 mois, ton superbe billet aller-retour pour Melbourne. Tu as envoyé combien d'SMS, Jonathan ? Un seul, mon Dieu. Et nous, on t'a appelé 20 fois. Nous, on a payé plus cher que toi, en fait, pour essayer de te joindre. Ça va être un beau voyage. 145 600 francs de billets d'avion. T'as 6 mois pour programmer tout ça avec ton patron. T'as intérêt à être gentil, à mon avis. Oui. Et tu veux peut-être passer un petit coucou à quelqu'un ou... Tout simplement faire un petit coucou à ma chérie et avec qui je vais partir en amoureux. Donc, je t'embrasse, mon cœur. Énergie Nouvelle-Calédonie.

des matins où il y a des choses étonnantes qui nous arrivent. Il y a quelques temps, souvenez-vous, il y avait eu des dauphins en baie du Mont d'Or. Et bien là, ce sont des poneys. Alors, ils se sont échappés. C'est quoi, c'est les trios, la gourmette, Delphine? Quoi? L'autre. Hein, c'est quoi? Le club qui est... C'est l'étrier. C'est l'étrier, voilà. Merci, pardon. Delphine. T'es en train de prendre ton petit déjeuner? Ah, d'accord. J'ai faim. Bah oui, pendant que nous on travaille, elle déjeune. Bon, alors, donc, ils se sont échappés, voilà, du club de poney, juste en face Coicara. Et puis, du coup, la gendarmerie, la police les a escortés jusqu'au lycée du Grand Nouméa. Et là, maintenant, le spectacle se passe vers la salle l'Omnisport. Et ben, il y a beaucoup de gens qui regardent cette activité parce qu'ils ont été rejoints, les poneys, par les gendarmes. Voilà. Donc, t'avais la police, maintenant, il y a les gendarmes. Alors, il paraît qu'il y a la police dans les voitures. Les gendarmes qui sont à pied, qui essayent d'encadrer les poneys. Il y en a une bonne dizaine en plus, hein. Des gendarmes, non, des poneys. Ah, écoutez, suivez ce que je vous dis quand même. Donc voilà, c'est l'actualité souriante, mais restez quand même prudent au volant de vos véhicules, hein. Ça peut freiner d'un coup d'un seul, juste en face. Ça. Allez, à suivre la météo. Il y aura des moutons, hein? Ouais, non, mais sur la mer. Oh! Énergie Nouméa. 5. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile, outillage et peinture automobile, 27 87 87. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Dernière semaine d'anniversaire chez les Maisons de la Montre. Jusqu'au 8 octobre inclus, profitez sans plus attendre des moins 30% sur toutes les montres chez vos deux Maisons de la Montre, Ville et Belleville. Tu n'as pas encore réservé ton séjour linguistique? L'agence ESL vous accompagne dans l'organisation de votre projet. Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Canada, USA, Espagne, nos programmes de cours en immersion sont sur mesure pour vous permettre d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. Contactez-nous sans plus attendre via notre site www.esl.nc ou au 28 41 74. Dundea fête la jeunesse samedi 8 octobre au skatepark de Kuutio avec la deuxième édition du Big Up Day de 10h à 17h. Battle de hip-hop, contest de street foot et street basket, atelier graph, DJ live et bien plus encore avec de nombreux lots à gagner. Nouveauté cette année, la Big Up Race. Viens déguisé et équipé de ton engin à roulettes préféré pour tenter de gagner un skateboard électrique. Le Big Up Day, c'est le 8 octobre au skatepark de Kuutio. Plus d'infos sur la page Facebook Big Up Dundea, événement en partenariat avec Énergie. J'aime vivre. Chef, c'est pas pratique l'armure, hein? Pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés, misez plutôt sur l'évaluation des risques. Chef d'entreprise, la CAFAT organise pour vous la troisième édition du forum de prévention des risques professionnels les 26 et 27 octobre prochains à l'hôtel Le Méridien. Conférences, ateliers, partage d'expériences. Réservez dès à présent vos soirées. Inscription sur www.cafat.nc. L'évaluation des risques professionnels est une démarche obligatoire depuis 2015 pour tous les employeurs. Le bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Les prévisions établies par Météo France, et puis on a un beau début de semaine, hein. C'est le soleil qui l'emporte largement, avec les nuages qui étaient sur l'extrême sud et Bélep qui se dissipent en ce début de matinée. Le vent d'est-sud-est oscille entre 5 et 10 nœuds. Les nuages pour l'après-midi se développent sur le relief et peuvent déborder sur l'est en donnant ça et là quelques ondées, mais ailleurs le temps reste ensoleillé malgré le passage de nuages élevés. Les températures grimpent de 27 à 29 degrés pour les maximales et localement quand même 32 sur l'ouest. Demain, ce sera là aussi une journée agréable et ensoleillée dans l'ensemble, avec tout au plus quelques passages nuageux accompagnés de quelques gouttes par endroit sur l'est. Le vent reste faible, variant au gré des brises, et on aura le même type de temps pour mercredi. En ce qui concerne la route, je vous rappelle que vous avez des poneys en divagation. Depuis un peu plus d'une heure, c'est la chasse à ces poneys pour essayer de les regrouper. Ils sont actuellement sur l'esplanade de la salle Omnisport, qui est après le lit.

rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Pota Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. À consommer avec modération pour l'alcool, mais sans modération pour Jocelyn Lemoine de la Nouvelle Scène du Rire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai surtout envie de te dire, l'abus de rien, c'est pire. C'est vrai, en soirée, les mecs qui s'emmerdent, c'est les mecs qui boivent pas. Ils ont toujours envie de te dire, bon putain, on va se casser là, je me fais chier. Il suffit de voir la gueule de Sam, le capitaine de soirée. Lui, son slogan, ça devrait être, celui qui conduit, c'est celui qui s'emmerde. C'est vrai. D'ailleurs, on l'appelle Sam, parce qu'à chaque fois que tu lui dis un truc, il dit, non, ça m'emmerde, ça me fait chier. Qu'est-ce qu'il est relou lui aussi avec sa gueule de con. Parce qu'il a toujours une gueule de con, c'est vrai. Bah déjà c'est le pote le moins malin. Tu dis toi tu bois pas, tu conduis. Il dit ouais putain. Déjà il est content de venir à la soirée. Il y a quelqu'un qui a dit c'est vrai, là c'est toi d'habitude Sam. Putain le pauvre. Attends, attention à l'alcool quand même, ça permet. Enfin quand je vois la gueule de certains, je me dis heureusement qu'il y a eu l'alcool. Surtout au premier rang là, ils m'ont mis des clients. Putain, toi, t'es un enfant du... Tu montes boire un dernier verre. Ça a été fini entre 2-3 mojitos, non? J'ai rien, moi aussi. Parce que ma mère, à la base, ça devait pas être ma mère. C'était pas le premier choix de mon père. J'apprends rien. Il y a des enfants ici qui étaient pas les bienvenus. Hein. C'était juste un coup de bite maladroit. Oh, ça va, on est là pour dire la vérité, oui, merde. C'est énervant, ça, je vous jure. Pareil, les filles adorent se dédouaner. Avec l'alcool, j'ai surpris une conversation de copine, une disait à l'autre, putain, j'ai couché avec Bruno et Jean-Jacques, je te raconte pas. Sa copine, c'est pas vrai. Non mais attends, j'étais bourré. Oh, tu m'as fait peur. Ouais. Pareil, on dit aussi, tu t'es vu quand t'as bu? Mais moi, quand j'ai bu, je me kiffe. Quand j'ai bu, je me sens plus beau, je me sens plus fort. C'est vrai, j'arrive en boîte de nuit complètement pété. Je dis à mon pote, putain, regarde la bombe là-bas, comment elle me regarde. Il dit ouais, mais si elle te regarde, c'est parce que t'as pissé sur ton froc. Ok, mais elle me regarde quand même. Pareil, je suis vite. Ils ont envie de taper tout le monde. Tu sais pas pourquoi, elle m'a touché l'épaule. Mais c'est ton frère, il disait juste viens, on rentre. Oh, je vais péter la gueule. Putain, t'as déconné, t'as déconné. Pareil, il nous arrive parfois, nous les hommes, de faire des petites conneries. Vous allez vous reconnaître, parce que moi j'ai déjà fait. T'es tranquille, t'es en soirée. Et à un moment, t'envoies le SMS de la mort. Tu sais, ça fait 5 ans que t'as pas vu ton ex. Ça tombe, elle est mariée avec des gosses, elle a peut-être des crédits sur le dos, une baraque. Et toi, t'envoies à 5h du mat, tranquille. Tu fais quoi de beau? Avec un smiley clin d'œil. Je sais jamais, elle a peut-être envie de baiser avec toi 5 ans après. Ça passe. Après, il y a aussi certains qui aiment bien dire « Attends, sans alcool, la fête est plus folle. » J'ai surtout envie de te dire, sans alcool, la fête est plus molle. J'ai jamais croisé un pote qui m'a dit, putain, Joss, on s'est fait un réveillon Volvic Citron. À 5h du mat, on était tous sobres, on a sorti le Trivial Poursuite. Je te dis pas l'éclate, hein, j'étais à deux doigts de faire tous les camemberts. On a fini sur un pilet de soja. Bon, Michel en a un peu abusé, je te cache pas qu'il était ballonné, mais une soirée. Ça arrive pas, ces trucs-là. Mais moi, je pense que l'alcool, c'est culturel. À mon avis, ça vient de Jésus. Identifiez-vous. Pardon ? Bah, je suis Jésus. Vous êtes portugais ? Mais non, je suis Jésus, le fils de Dieu. Oh putain, GG ! Viens écouter une connerie, là. On a un mec qui se prend pour le fils de Dieu. Fais-le souffler. Prise de sang ! Alors ? Y a pas que du sang qui coule dans ses veines ? D'où l'histoire, buvez ceci, ceci est mon sang. C'est ça la vraie histoire, je vois, vous étiez pas au courant. Moi non plus, je viens de le découvrir. Il y en a qui ont déjà subi un alcotest. Tu vas vous consommer de l'alcool, c'est possible. Monsieur, je ne suis pas là pour plaisanter. Je vous réitère la question, si vous ne répondez pas, je vous mets une prune. Hop, hop, hop, monsieur l'agent, j'ai déjà bu 2 mojitos, 3 ricards, 1 pastis. Alors si en plus vous me mettez une prune... Délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. Mr. 305, Flo Rida, Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is. Give me the green light.

your monster, you're my run for pink rasta. Bonjour, il est 8h, on souhaite une très bonne fête en ce début de semaine à Gérard, à Blanche ou à Candide. Et question soleil, eh bien, il va briller encore au moins pendant 3 jours. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. La radiothérapie est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Le centre installé à Couthiou reçoit aujourd'hui son premier patient. Il prendra en charge entre 90 et 95% des cancers connus. L'économie pour la CAFAT est estimée la première année à 300 millions de francs. Malgré une chaleur écrasante, près de 400 personnes ont participé ce dimanche matin à Tontouta, la 6e édition de la rando VTT Cancer. Et puis, toujours sous un soleil de plomb, 1300 concurrents ont pris le départ de la 22e édition de la Gigawatt à Yatté. Elle a été remportée par Ludovic Lanceleur et Mickaël Leclerc. L'aventure, elle est terminée pour Titouan Puyo Pacific Paddle Games en Beach Race. Le champion du monde 2014 s'arrête en demi-finale. Le chauffard impliqué dans l'accident de Mathilde court toujours. Cette infirmière qui a eu 24 ans samedi est actuellement en phase de réveil alors même que son pronostic vital est encore engagé. Vers une béatification du Père Amel, le jour de la réouverture de l'église du prêtre assassiné, le Vatican a annoncé une accélération de la procédure. Et puis Arnaud Montebourg a annoncé son intention de participer à la primaire organisée par le PS. La Hongrie, de son côté, dit non au quota d'accueil de migrants, mais le référendum est invalidé faute de votants. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May est sortie de son silence. La première ministre britannique a annoncé que le processus pour quitter l'Union, qui dure 2 ans, serait enclenché, je cite, avant la fin mars 2017. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. La 8e journée de Ligue 1 pour commencer. Et Lyon qui vient de remporter son premier derby au parc OL à Saint-Etienne. Le score 2-0 et remonte du coup à la 5e place, un point devant les Verts. Nice reprend les rênes du championnat après son succès face à Lorient. 2-1, scellé sur un but de Mario Balotelli qui a toutefois été exclu en fin de match. Enfin, Marseille a laissé filer la victoire à Angers, 1 partout. Thauvin a ouvert le score pour l'OM, mais Angers à égaliser au bout du temps additionnel. Dans le top 14, Toulon donne la leçon à Montpellier. Et comme à Rennes en mai dernier lors des demi-finales, Toulon s'est nourri des erreurs Montpellier-Rennes pour signer un 4e succès cette saison. Le 2e d'affilée, le score est de 28-6. Il y a eu du bouleversement au Grand Prix de Formule 1 de Malaisie. Et c'est peu dire que Lewis Hamilton l'avait mauvaise après le Grand Prix de Malaisie ce dimanche. Le Britannique parti en pole et qui était en tête a dû abandonner au 41e tour à cause d'une casse moteur. Et à chaud, il n'a pas hésité à mettre en cause son équipe de manière frontale. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec FitZone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour, c'est lundi, ça y est, c'est reparti pour une belle semaine. Et d'ailleurs, l'équipe sera presque au complet puisque Laetitia revient, Misma revient à 9h aussi. Et je vais pouvoir m'en aller. Non, je plaisante. JB Delphine, aujourd'hui on va écouter Heathens avec 21 Pilots. On écoutera aussi James Blunt et puis LP avec le titre Lost on You. Dans le Music News, à 8h30, on parlera de Flume